Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire de Buscetta avec notre invité, le cinéaste Marco Bellocchio. Buongiorno. Buongiorno. Votre film intitulé Il Traditore, le traître en français, sort sur les écrans ici le 30 octobre. Pour votre film, vous avez choisi un angle précis. Comme un angle de journaliste, vous traitez le très complexe sujet de la mafia sicilienne à travers l'histoire de Tommaso Buscetta, le plus célèbre des collaborateurs mafieux de la justice. Je dis bien collaborateur et non repenti, on y reviendra. Vous avez donc opté pour une grille de lecture de Cosa Nostra, celle de Buscetta. Pourquoi ce choix ? Ce choix a été fait pour un intérêt personnel et une connaissance progressive, connaissance du sujet, dans le sens que ça a été une requête que j'ai reçue. Je me suis informé, j'ai fait comme on disait auparavant, j'ai mené une enquête, j'ai lu le livre, j'ai regardé les films, j'ai parlé avec des témoins. Et j'ai été fasciné par la complexité de sa réponse. Il décide de collaborer, mais il affirme de ne pas être un repenti. Mais il ajoute qu'il est un homme appartenant à Cosa Nostra, comme si cela était sa véritable identité, sa identité authentique. Mais il tient à préciser que sa Cosa Nostra est différente, profondément différente. Par rapport à Cosa Nostra, dominée par la famille Corleonesi, qui en quelque sorte a trahi les principes sacrés de Cosa Nostra. Donc Buscetta, il oppose lui-même aux véritables traîtres qui sont les Corleonesi, car ils n'ont pas respecté les règles de Cosa Nostra, c'est-à-dire des règles qui prévoient le respect vis-à-vis des personnes plus fragiles, les enfants, les femmes, mais aussi les représentants des institutions. Est aussi une société Cosa Nostra qui faisait de la charité vis-à-vis des plus pauvres et qui en quelque sorte remplaçait l'État là où l'État n'arrivait pas à aider ceux qui avaient le plus besoin. Alors, avant de poursuivre sur Buscetta, revenons à l'autre personnage important de cette histoire, c'est le juge Falcone. Votre acteur est confondant de ressemblance. Est-ce que c'est Falcone qui est à l'origine de cette stratégie qui consiste à faire parler des repentis pour remonter la filière et organiser d'efficaces coups de filet ? Est-ce qu'il est à l'origine ? C'est pas que lui. Il y avait toute une équipe de juges qui a travaillé dans ce sens. Mais Falcone avait compris, avait perçu une série de stratégies lui permettant d'arriver au cœur de la mafia. Par exemple, son expression célèbre « follow the money », donc suivre l'argent. Il avait compris qu'en suivant l'argent, on pouvait arriver aux grandes organisations internationales. Falcone est réussite réduisant, disons, con una strategia le terrain, anche, le champ d'action personale, Falcone a réussi à l'aide d'une stratégie personnelle à convaincre Buscetta à parler. Falcone il ne faut pas oublier que Falcone Palermo. Est de Palerme comme Buscetta. Ils vivaient dans des quartiers qui étaient près l'un de l'autre. Et donc, Falcone connaissait profondément la psychologie d'un mafieux, il le respectait, il gardait un certain recul, mais il a tout de même offert à Buscetta la confiance qui lui a permis de parler. Dans ce sens, il a même accepté les limites de cette collaboration, car Buscetta data, il n'a pas tout dit. Il a dit des choses très précieuses qui sont servies à Falcone et que Falcone a utilisées pour reconstituer la structure, l'organisation de Cosa Nostra. Alors, ascoltiamo insieme Giovanni Falcone. On va écouter ensemble Giovanni Falcone lors d'une interview qu'il a donnée à France Inter. C'était en octobre 1991, donc peu avant sa mort. Ah, certo. Certo che lo sapevo. Bien sûr que je le savais. Tout le monde sait que nous sommes en danger quand on lutte contre la mafia. D'ailleurs, en juin 89, j'ai été l'objet d'une tentative d'attentat très sérieuse. Ils avaient déposé 58 bâtons de dynamite sous la villa que j'avais louée. Mais attention, le fait que les mafiosi soient des criminels ne doit pas nous conduire à les mépriser. À part le respect qu'on doit avoir pour tout être humain, en piochant, en creusant, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas très différents de nous. Alors, ainsi parlait le juge Falcone. On lui posait la question, est-ce que vous avez peur d'un attentat? Et il répondait, est-ce que vous considérez, et est-ce que les Italiens considèrent que Giovanni Falcone est une sorte de héros de l'Italie contemporaine? Sortant de toute rhétorique, lui-même disait « Moi, j'ai peur, comme tous les êtres humains, mais le problème, c'est de ne pas la subir, de ne pas être paralysé par la peur. Nous pouvons tous mourir d'un instant à l'autre. » Et lui faisait référence à un attentat célèbre qui avait été commis devant sa villa à Palerme. Et malheureusement, pour les mafieux, cet attentat n'a pas marché, cette bombe gigantesque n'a pas explosé. Et donc, il est un héros dans le sens qu'il a mis à sa vie à la disposition de l'État. Et la mafia a réussi à le tuer. Et dans ce sens, sa position est très différente par rapport à celle de Buscetta. Ce dernier n'est pas un héros, même si Buscetta non plus a peur de mourir. Mais Buscetta collabore non pas parce qu'il s'est converti, mais parce que ça lui convient. Il décide qu'il n'a aucune autre possibilité de survie sauf la collaboration. Donc il collabore, mais il ne dit pas tout. Mais ce qu'il dit correspond à vérité. Et ce qu'il dit est très utile pour Falcone pour reconstituer le mappage de la mafia, de toute l'organisation criminelle, et après arriver à organiser le procès, à faire les différentes arrestations, et donc à mener une action qui a représenté une victoire pour l'État italien. C'est aussi le procès de Totorina. Parce que il y a une scène très forte dans votre film, lorsqu'il y a la confrontation entre Totorina et Buscetta. Et Buscetta dit au juge, en montrant Totorina, c'est lui qui a détruit Cosa Nostra. Ouais. Parce que la mafia se dit des hommes d'honneur. Bon, il est où l'honneur? On se demande, mais peu importe. Mais Totorina, il va plus loin. Parce que lui, il casse tous les codes. Et il casse tellement les codes que finalement, il finit par casser Cosa Nostra. Questo è vero, sì, sì. Oui, c'est questa vrai. È una tesi vera. C'est une thèse vraie, dans le sens que le défi fou de Riina est celui de combattre directement l'État. A questo punto, non di limitarsi. Et il ne se borne pas seulement à commander, à contrôler son territoire. Et de cette manière, il a détruit Cosa Nostra, car l'État, à ce point-là, il a dû réagir. Et donc, les conditions se sont créées pour mener des arrestations et pour trouver toute une série, non pas seulement de collaborateurs, mais des centaines de repentis qui, en quelque sorte, ont détruit l'architecture de Cosa Nostra. Quindi da Buscetta accusa, Buscetta, accusa in qualche modo, accuse in quelque sorte de manière paradoxale Rina d'être le destructeur de Cosa Nostra, qui est un grand paradoxe, mais il lui attribue non tellement une méchanceté morale, mais presque une folie. Il le définit en tant qu'une âme malade, justement parce que sa folie, cette volonté de conquête d'un pouvoir absolu l'a mené à la destruction, comme tous les grands personnages d'une certaine tragédie. Pensons à Hitler, évidemment, abstention au fait de toutes les différences. Eh bien, on peut penser au Macbeth de Shakespeare. La folie l'a porté à la mort et à la ruine de soi-même et de son organisation également. L'aéroport de Palerme porte le nom Aeroporto di Giovanni Falcone et Borsellino. On ne voit pas Borsellino du tout dans votre film. Il n'est pas évoqué. Pourquoi ? Je rappelle aux auditeurs qu'il est mort dans les mêmes conditions que Giovanni Falcone. Un film ne peut occuparsi di tutto. Un film ne peut pas s'occuper de tout. Non è una dimenticanza. Ce n'est pas un oubli. Volevo però precisare mais che je voulais préciser tout de même que Falcone, pendant certo les obsèques de Falcone, viene, à un certain point, c'è un frammento, il y a un fragment in cui c'è Borsellino, dans lequel on voit Borsellino. In un frammento di repertorio, et c'est un fragment réel dans lequel Borsellino prononce une prière devant les corps des morts qui ont été tués dans l'attentat de Capaci. Film. Mais il faudrait faire un autre film pour Borsellino. Sûrement, lui aussi a dédié, a sacrifié sa vie pour un principe. Je voudrais également ajouter, mais sans faire aucune polémique, que c'est une curiosité historique, c'est-à-dire soit Falcone, soit Borsellino étaient des hommes de droite, non pas de gauche. Après, Borsellino mais Borsellino naît comme homme de droite. Falcone est plutôt un libéral, mais il n'est pas un gauchiste, il n'est pas un homme de gauche. C'est curieux, mais c'est vrai. Alors Andreotti non plus n'est pas un homme de gauche. Est-ce que Falcone a été surpris? Est-ce qu'il a été empêché d'aller plus loin dès lors qu'en tirant la plotte, on s'est aperçu que Andreotti était aussi impliqué. Est-ce que c'était une difficulté pour le jeu de Giovanni Falcone? Non, Giovanni Falcone, ma questo è storico. Non, là, disons, ce sont des données historiques. Giovanni Falcone, au cours du premier procès, a décidé de ne pas toucher au, disons, niveau plus élevé de la politique, car les conditions nécessaires n'existaient pas. Pas encore, n'était pas présente, mais dans son intention, il voulait successivement aborder ce niveau et demander aussi de mettre sous enquête Andreotti et d'autres représentants politiques, d'autres hommes politiques. Ceci n'a pas pu le faire, premièrement parce qu'il a été tué et aussi parce que la classe politique, à un certain moment, s'est défendue. Et donc, les preuves déterminantes manquaient pour pouvoir accuser Andreotti, mais non seulement lui. Et non, il ne faut pas oublier également que certains personnages politiques comme le Lima, qui était le représentant d'Andreotti en Sicile, a été tué par la mafia, une série de personnages politiques importants. Mais ce qui était été le second niveau. Eh bien, ont été portés au tribunal, mais en partie, ils ont réussi à se sauver, soit parce qu'il y avait un manque de preuves, ou soit parce que le crime était prescrit, un des autres a été acquitté. Alors, aujourd'hui, la mafia la plus puissante en Italie est en Calabre, 'Ndrangheta. À Naples, la Camorra n'a plus le soutien populaire, mais continue à recruter parmi les jeunes, et Roberto Saviano l'a bien montré. Dans les Pouilles, la Sacra Corona Unita est discrète, mais active. Mais où en est Cosa Nostra aujourd'hui? Il faudrait le demander à des personnes compétentes. Je n'ai pas les compétences suffisantes pour le dire. Et tout de même, Cosa Nostra existe toujours, mais son style a changé pour le moment. Elle est moins sanguinaire, elle est armée, mais elle n'utilise pas les armes directement depuis longtemps. Je pense qu'il y a eu un meurtre ou deux, mais si on pense à l'époque de Rina, lorsqu'il y avait un meurtre par jour, on comptait des centaines, des milliers de morts. Et maintenant, tout a beaucoup changé. L'Ndrangheta est plus forte car c'è un patto d'onore, il y a un pacte d'honneur de sang entre ceux qui appartiennent à l'Ndrangheta, et non esistono en vertu de pentiti. Cela, il n'y a pas de repenti pour l'instant. Si pente, o per paura, personne ne se repent par peur, mais évidemment il y a une force d'organisation et une force de silence, si vous voulez, che, permette à l'Ndrangheta qui permet agire ancora non indisturbata, perché l'Ndrangheta d'agir è ancora molto forte, è la più minacciosa, è la più forte, celle-là qui la più menaçante. Ma la mafia esiste toujours. Si muove diversamente. Elle se comporte différemment. Dernière question cinéma. Pour un cinéaste, ça doit être très intéressant, cette scène du procès, le maxi-procès, ce tribunal qui était construit, adossé à la prison pour éviter les attentats pendant les transferts. Pour un cinéaste, c'est une scène extraordinaire. Cette cage aux fauves, notamment. Vous avez dû prendre beaucoup de plaisir à, professionnellement à tourner ça. Sì, piacere, è stata un'occasione che ça a été preziosa, une occasion précieuse, le fait de pouvoir tourner nella stessa aula bunker dans che fu la salle, per il dans la cour même, qui a été construite exprès pour le maxi procès. Ceci a représenté une source d'inspiration très importante. Nous avons eu la liberté de le faire. Et nous avons eu suffisamment aussi de temps pour pouvoir le faire en déterminant les scènes, les images les plus désespérées, les plus théâtrales qui se sont réellement passés pendant le maxi-procès. Mais il faut considérer que le maxi-procès a duré presque un an. Donc, une des grandes difficultés a été représentée par le fait d'opérer une synthèse, soit pendant le tournage, soit au cours du montage, pour arriver à cette représentation théâtrale, presque d'opéra, du procès. Grazie mille. Grazie Marco Bellocchio, votre film intitulé Il Traditore, le traître en le français, traître. Le traître. Il sort sur les écrans le 30 octobre. Au revoir. Merci beaucoup. Arrivederci. Au revoir. Grazie a voi. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'assassinat du juge Falcone, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et si le cœur vous en dit, vos commentaires.